Et bonsoir tout le monde. Bienvenue au monologue de Grenoble. Je suis seul ce soir pour une émission spéciale acide. Acide techno, électro-acide, acid house. Voilà, on a écouté juste avant le morceau qui est en train de passer, un morceau de Maurice, This is Acid. Donc Chicago, bon, il faut reconnaître que les éditions Soul Jazz Records ont fait un très bon travail d'ailleurs de mise à disposition des premiers morceaux d'acide, je crois, hein. Donc Chicago, setup très simple avec souvent une boîte à rythme, donc, la TR-606 et la fameuse TB-303, la ligne de basse avec ses filtres qui définissent donc, le son acide, on va dire du début. Voilà, ce son emblématique. Mais qui depuis donc ses premiers morceaux un peu minimaux, séminaux, un peu essaimé dans toutes les directions. Ce qu'on va essayer de voir ce soir. Donc bien sûr en partant du Midwest américain par la Belgique, les Anglais et des Grenoblois. Voilà. Pour situer le panel sur on va dire 3-4 décades. Voilà, là on écoute James Rabbit Martin avec Rabbit Tracks. We'll be right back. Sweat Boys, Do You Want To Percolate? Il y a plein de choses, hein, les voix, enfin c'est plus de la jack, on va dire, avec les voix qui se différencient, enfin qui va se différencier quand ça va passer de l'autre côté de l'Atlantique. Donc là avec un classique de l'acid belge, Spokesman, avec Acid Creek. Et d'accord, le morceau n'est pas trouvé. J'ai un petit problème avec mes morceaux, c'est pas grave. On va rester en Europe avec un titre d'Emmanuel Top qui s'appelle Acid Face. Ah, celui-là, passe. C'est pas celui que je voulais mettre. Taken Acid BX817. La face belge de l'acid, on va dire. En fait, il y a une sorte de mélange qui est fait entre le côté acide de la TB303 et la substance. Donc là, c'est plus du tout un morceau acide. Il n'y a pas cette ligne de basse caractéristique, on va dire. Donc, c'est plutôt un morceau new beat, finalement, sur lequel on dit take an acid. Voilà, c'est pas le même. Ce n'est pas la même chose. Donc, j'ai retrouvé mon morceau là de Spokesman qu'on va mettre tout de suite. qui est belge aussi. Là, ça fait pas trop de... Pas moyen de se tromper, quoi. Peut-être qu'il y a les deux, là, du coup. belge. Ça s'entend, hein, c'est lourd. C'est lourd. On va continuer dans le... quelque chose de plus récent, mais de batave, on va dire. Avec un morceau de Panic Attack sur le label, je crois que c'est Bunker. En tout cas, il est affilié à Bunker et c'est un néerlandais. Voilà. Alors je lance ça de manière assez sale. C'est pour continuer sur cette vague un peu dure avec un kick saturé. Voilà. Là c'est plus prononcé. Ça s'appelle c'est sur l'album Panic Attack, donc c'est le nom de la personne. C'est Black Catalog Ritual Acid LP. Acide spécial acide. Yes. Monologue de Grenoble sur Spécial Acid, c'est Villa Abo, Ebo, les Suédois. Sur Borft Records, le morceau c'est Acid XPR pour Experience. Straightforward Acid. C'est aussi se fendre la poire, faire des morceaux consciemment simples et lancer le kick dans le downbeat par rapport à la ligne de basse. C'est tout le secret de ce morceau. On va mettre quelqu'un qui est sorti sur le label Stochastic Releases, c'est Ned Flanger, avec un morceau qui s'appelle Jean-Claude Vandal, fier représentant de la scène techno grenobloise. Gros bisous à Ned Flanger. Yes. Donc après le morceau d'avant, on a mis donc après Ned Flanger, Jean-Claude Vandal. C'était un mot, c'est un morceau de Rat Snake, russe, aussi connu sous le nom de Glasslotten Circle, qui a sorti des trucs sur Murder Capital. Ça c'est un petit EP avec des lettres en cyrillique que je connais le grec, mais je ne connais pas le cyrillique, à part le pi peut-être, qui est identique. Voilà, donc c'est un titre en cyrillique, mais c'est un EP qui est sorti il n'y a pas longtemps, Rat Snake. On va sortir un peu de cette tendance acide techno pour aller vers quelque chose de plus électro-acide avec un morceau de Binary Digit qu'on a reçu ici qui a fait un morceau qui s'appelle Never Owned a 303. Voilà, qui est une blague autour de on va dire de fétichisme autour de cet objet. 303 à l'origine du son acide qui vaut beaucoup d'argent en ce moment, mais qui était cloné par Behringer très récemment, et surtout dont les, on va dire, les outils numériques de synthèse musicale ont pu très facilement permettre aux musiciens de ne pas avoir besoin de l'utiliser pour avoir un son acide, comme on va le découvrir dans ce morceau. Voilà. S'agit-il du bon morceau ? Je pense que non. Je crois qu'il y a une aversion sur les faces. Bon, c'est pas grave, c'est quand même un morceau de Binary Digit. A priori, il est en fait avec un tracker. Je vais mettre un autre morceau de Binary Digit qui s'appelle Acid Drop, et ensuite on reviendra sur Never Own a 303. Voilà, qui me semble plus pertinent. Thank you. Yes, Minarin Egypt, Beria Acid sorti sur l'album Acid Drop par Opal Tapes, je sais plus, il y a quelques années. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, en gros, bon, finalement l'acide c'est utiliser les filtres. Voilà, on voit que les filtres digitaux peuvent faire le boulot des filtres analogiques. On passe un anglais de Bournemouth, Christmas Acid. Un assez vieux morceau que j'avais téléchargé sur à partir du site Brainwashed, il me semble. Voilà, c'est sur un album qui s'appelle Vuxid 303, Argos Acid. We'll be right back. Yes. Après Binary Edit, on a eu Acifax, Acid Crew, un album, un EP, album sur Weme Records, Psyctapolis. Ça c'est le morceau Electric Train, Electric Transit, pardon. Qu'est-ce qu'on va... Donc on voit le style inimitable de Sifax, une acide plutôt joueuse, joyeuse, avec effectivement des breaks. Hein, on sait que les breaks c'est l'apanage des grands bretons, n'est-ce pas, qui contraste avec le 4-4. Lourd, on va dire, des Belges, sans vouloir faire de clichés. Une approche différente de l'acide, dirons-nous. On va revenir aux États-Unis. Donc, on est parti des États-Unis, mais on est resté beaucoup en Europe. On va revenir aux États-Unis. Une autre partie des États-Unis, le Texas. Une autre communauté, on va dire. Avec un morceau de Textasy, Acid Bleach. Donc, c'est facile, les morceaux d'acide, souvent, il y a acide dans le titre. Acid Bleach, I Live With My Mom, Edit, featuring Sylvester, Houston. In the dumpy dumps, in the dumpy dumps, if they're at the lowest of the low, if they're approaching hell and they feel inarticulate and retarded and they want to fucking chew their arms off, they just fucking give me a phone call. I live with my mom. I got no judgment. I'm just the most empathic human being you will meet. Stay on my good side. Show me a little bit every 6 months that you know what you're doing. And we're good. I'm a resource. Don't fucking take that shit for granted. I'm a resource, man. This is my inaugural stand-up. How about this, man? Look at these two cats here. Look at these two skinny motherfuckers. I can stack you up and like roll you up. That's what I need to fucking watch. But it's not about the physical. Let me take a step back. I'm not trying to intimidate you with my size and my physical charisma. Like, come on, come out of the woodwork. Give me at least just like $5, and maybe I won't fucking like you in the back of the spine. Thank you. nose right above the top of his spine. Wow. I'm letting loose. We'll be right back. Yes, vous êtes toujours sur le monologue de Grenoble, il est 19h19. 1919. On écoute un titre de EDM. EDM, Jodé, Kendrick et de nombreux avatars. Un anglais hyper productif. Le titre s'appelle Silo Acid. C'est sur un album qui s'appelle FTP. On va écouter un autre anglais, Retape, si je ne m'abuse. Il est anglais. SRM Acid. Voilà. C'est parti. Et on finira sur un morceau de Binary Digit et de Ned Flanger. Ce qui signifie qu'il faudra que j'écourte ce morceau qu'on est en train d'écouter. Par son rythme chaloupé comme ralenti, c'est Retape. Allez, on envoie le morceau de Ben Never On de 303 qui fait une. J'espère que c'est bien ça. Qui boucle la boucle avec le début de cette émission. Avec le Seed House de Chicago. Un son centré sur une machine qui en fait s'en détache. Merci à tous. Ensuite on enchaînera avec Ned Flanger sur le code postal, faux code postal 38.303. Bisous à tous, merci, big up Ben et Ned Flanger. À tout le monde sur Pinot. À la semaine prochaine, on aura un invité de Grenoble, Jocelyn de Tola. Allez. I'm Mm-hmm. does it mean? How long has it been? Well, how long has it been? We'll be right back. We'll be right back.